ferait. Condamnez-moi, vous l'avez déjà fait. Condamnez-moi, m'avez-vous différencié. Dans ce monde moderne, mais pas si différent de l'ancien temps, là où l'exil était punition pour une réflexion autre que celle imposée. Je suis banni des villes, chassé des campagnes. Je suis isolé, obligé de cacher mon vrai visage de peur du bûcher. Condamnez-moi dans tout ce qui paraît. Condamnez-moi de la dictature du Vatican, de la folie de l'ordre boursier. Condamnez-moi du fait de nos frontières. Condamnez-moi de ne pas croire au pouvoir qui prend le fric et qui vous pend. Condamnez-moi de ne pas voir. Condamnez-moi de ne pas voir l'utilité des guerres et de savoir que ceux qui les imposent ne sont pas ceux qui meurent. Condamnez-moi si je suis dans le cœur désigné de la folie. Condamnez-moi si je n'arrive pas à trouver de place pour ma vie. Condamnez-moi si j'aime ce que vous n'aimerez jamais. Condamnez-moi pour notre différence de nos actes, de nos pensées. Condamnez-moi si dans ma folie j'ai dépassé. Condamnez-moi, condamnez-moi. Condamnez-moi, condamnez-moi, il faut mieux ne plus se retrouver. Condamnez-moi, effacer, que l'on puisse se réconcilier. On est bien trop différents, les chemins déviés. Ne vaut-il pas mieux ne plus souffrir, à se détruire et couper la corde qui nous tenait. Condamnez-moi jusqu'à la fin du temps à la divinité que ce que l'on a connu ne peut se renouer. Condamnez-moi, sinon c'est vous que vous condamnez. Si dans ma folie je dépassais.